C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. En direct des studios de Cifou, c'est les palmarès. Cifou pour les positions 5 à 1 sur la période du 16 au 22 octobre. Je m'appelle Tania Baudin, je suis en compagnie de... Mathieu Plante. Eh boy, oui. Ça sonne tellement bien. Ça va très bien, c'est la fin de la semaine et le calvaire est presque terminé. C'est ma dernière heure sur 16 cette semaine. Évidemment, le Mathieu Plante Show, on a écopé. Là, d'habitude, je fais 18 heures par semaine de radio et c'est impossible pour moi. Mais non. Impossible. La forme est là en ce moment, quand même, malgré le rhume. Mais l'extinction est pénible. Je vais te laisser parler pas mal tout le long, je pense. Oui, probablement. Écoute, hier, on en a vu un... Hier ou dans la dernière partie, ça dépend quand vous écoutez. Tantôt. Mais c'est ça, on en a vu un petit extrait de ce qui se passait au niveau de ta voix hier midi. Ça commençait à ce moment-là. Ça commençait, c'était un petit peu instable. Là, t'en as juste pas. aujourd'hui, ça veut aussi dire qu'on va essayer de savoir si du côté anglophone, c'est toujours... Ben non, il est disparu la semaine dernière. Hein? Rappelons-nous que le dernier top 1 du côté anglophone, la semaine dernière... Ah non, mais le numéro 1 la semaine passée, c'était Gogol Bordello en anglophone avec Saboteur Blues. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Et en francophone, c'était... C'était Nicolas. La mystification de Nicolas, en fait. Exactement. Donc, on va essayer de savoir si aujourd'hui, c'est toujours ça. On vous accompagne pendant toute l'heure du dîner. Oui. On accompagne votre petit latte à la citrouille, peut-être. Bonne idée. Qui sait? Alors, c'est comme le fun tantôt, Dead From Above 1979, qui monte de deux avec Never Swim Alone. Mais pour le moment, on s'en va écouter Maud O'Day avec Galloway Road. On peut m'arrêter, c'est fou. Au 89 FM. Affaire. message after the tone. Thank you. the torch. I felt a lot of things, but nothing like this before. You're looking at the summer. Forgot par T-Langer. On passe au numéro 4. Comment de passer le fan? Et du côté francophone, eh bien, vous l'avez entendu, c'était Nicolet de la avec la mystification. Donc, on a changé de top 1 francophone. Okay, avant 105e place, anglophone, ça montait de 2, Death From Above 1979 avec Never Swim Alone. Et on a commencé tout ça avec Modo Day, Gallery Road. Maintenant, on continue ça en 3e place, anglophone de Pac 80 avec Dollhouse qui monte de 17. Et en 3e francophone, on monte aussi de la 17e position, c'est Ici-Bas de Mondou Seigneur. Ah, au palmarès, c'est fou! 89 FM. Mais... Du monde. façon de se rendre. 3. Acadie avec Dollhouse qui monte de 17 places en de 3e position anglophone. Excuse-moi, Tania. Ça va, et du côté francophone, eh bien, on a entendu Ici-bas de Mon Doux Seigneur qui, elle aussi, montait de la 17e position. Toi aussi, on t'entendait moins. Hein. C'est oui, hein? C'est vrai que je voulais te mettre dans la même position c'est que moi, où on t'entend pas. Ça, je me disais. il nous reste encore, Crime, cette émission-là passe beaucoup moins vite que les autres demi-sectes. Je sais. Seulement 20 minutes de fait. C'est fou, hein? On va savoir d'ici la fin qui est numéro 1. Mais en plus de ça, on l'a pas encore dit, mais t'as une chronique pour nous à la fin de l'émission. Ben oui, certainement, l'huile de palme. Ah. L'huile de palmarès qui nous revient en ce jeudi, et surtout du fait que Mathieu ne parle pas. ou du moins, parle moins. Ouais. Je vous ai préparé un petit quelque chose. Ah, d'eau tonale? Non. Gingembre? Mais de francophone, par exemple. Ah, super. Mais avant ça, les deuxièmes places. En anglophone, Ben Sinister. Avec Move a Little Slower qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on monte d'une position aussi. Voici Pony et Phoenix. On parle bien, c'est fou. Au 89 FM. Thank you. d'informations, www.cdc.ca. 2. I spend my days without you standing by my side, and I wonder when my feelings won't give up and hide. You got up in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, I'd say what's on my mind. 'Cause if it is your plan, does it make me less a man? What's life? Excellente pièce, Move a Little Slower de Ben Sinister. Ça monte d'une place en deuxième position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Phoenix de Pony, qui allait monter de la troisième depuis le dernier palmarès. Je peux même plus dire petit Pony avec une voix aiguë comme non, d'habitude. Je suis désolée, Mathieu, c'est impossible aujourd'hui. Pony, ça marche pas. Dis-le en grave. Pony. Pony. Voilà. Tiens, bon, ben, Colin, c'est le moment, avant de passer aux premières positions, de faire ta chronique, Talia. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle huile de palmarès. Eh bien oui, cette semaine en fait, aujourd'hui du moins, je vous présente des artistes entièrement québécois. Oh. Donc, vous allez peut-être reconnaître des voix, qui sait, mais en temps normal, ils sont pas censés être connus, d'accord? Ouais. C'est bien évidemment grâce à Internet que j'ai découvert toutes ces belles petites chansons. Et je me suis dit, ben aujourd'hui, on parlera pas beaucoup. Je vais vous laisser... les entendre, vous faire votre propre idée. Puis par la suite, bon, on va peut-être discuter un petit peu de qui ils sont, mais pas trop. Cool. Pas trop. Vous allez voir. On va écouter en premier Véronique Bilodeau avec « Je te cherche encore ». On écoute ça là, là. Dans l'huile de palmarès. Oui. Voix grave et ça fonctionne. Faut que j'aime tout le long. Hein. Je suis pas capable. Ouais, j'ai peut-être oublié de te dire qu'il fallait l'avancer. Ouais, ben t'aurais pu, mais pour l'instant, là, je remplis. Ramène-moi voilà. Danser chez toi. Fait que là, j'arrête de parler. Quand on savait tout se donner, quand les vagues déferlaient sur nous, quand on arrivait à s'y bercer, ramène-moi danser chez toi. Quand on ne savait pas douter, avant que la vie ne nous prise. Que le temps sache nous changer. Bientôt la nuit aura raison du jour. Je ne veux pas l'affronter seul à mon tour. Retrouve-moi entre la terre et l'eau, sur le chemin où l'on s'est tourné le dos. S'étendre dans la rosée, yeah, yeah, yeah. La pluie nous jouait comme un piano, l'orage nous raccrochait. Quittons la nuit, aura raison du jour. Je ne veux pas l'affronter seul à mon tour. Retrouve-moi entre la terre et l'eau, tracer des doigts. Sur mon radar. Mesdames, messieurs, c'était Hoodies at Night. Qui est Hoodies at Night? En fait, c'est Jonathan Dauphiné. C'est un DJ de Montréal qui a décidé de faire certaines collaborations. C'est comme ça qu'il a entendu, qu'il a fait parler de lui. Et récemment, une de ses plus récentes pièces a été faite avec Milk and Bone, qu'on a déjà dans notre palmarès. Ouais. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Celle que vous venez d'entendre, c'était avec Dumas. Cool. C'est vraiment le fun. Dumas, c'est un artiste quand même qu'on connaît. Mais là, remixé comme ça, ça donne un son complètement différent. C'est merveilleux. Ouais. Et l'artiste que vous avez entendu avant, c'était Véronique Bilodeau. J'aime le franc dans son timbre de voix. Ouais. Je trouve qu'il y a comme un accent québécois qui ressort, mais qui fait quasiment l'Ac-Saint-Jean un petit peu. Ouais. Pourtant, la fille vient de Rimouski, elle vit à Montréal, donc il devrait pas y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est un folk pop francophone. Et c'est quand même brut dans les paroles, donc c'est pourquoi j'aime beaucoup cette pièce-là. Très bon bloc. Et j'ai un deuxième bloc pour vous aujourd'hui. On va faire un petit peu la même chose. Je vous laisse les écouter, puis je vous les présente après. On commence tout ça avec Caravane et Entre ma tête et mon cœur. Oui, le palmarès, ça c'est fou. Je vous redirai cet ordre. Comment vas-tu y arriver seul? Y'a plus personne pour t'aider et faire semblant. Habité par tes angoisses, trahi par l'orgueil. Chaque lune t'aveugle plus que celle d'avant. Certains sont faits pour souffrir. Certains sont faits pour aimer. J'ai toujours cru tes paroles, même si tout était perdu d'avance. Plus rien ne peut remplir le vide, le fossé entre ma tête et mon cœur. Comment vas-tu t'en sortir, de trouver tes sens? Tu refuses de voir clair entre le mal et le bien. Même armé de patience, le temps sert à rien. Certains sont we'll be right back. et son palmarès présentement avec Défunte Lune de Miel. Mais ça, c'était Paupières avec Brûlé bruyamment, une de leurs plus récentes chansons qui vient tout juste de sortir. J'aime beaucoup le style, je trouve ça quand même assez différent de ce qu'on entend normalement. Dans le francophone surtout. Exactement. Et avant ça, vous aviez eu une idée de ce que ça pouvait être du rock francophone. C'était Caravan, un band de Québec. Et aussi des vétérans des palmarès en passant. Oui, exactement. On a déjà été au palmarès. On fait jaser de plus en plus. Nous, on est de retour, en fait, avec un second album. On adore ça. Si vous voulez aller faire un tour sur Bandcamp et écouter leur album au grand complet, c'est merveilleux. Ah, pour vrai. Ah, mais je te félicite pour ces choix-là. C'est vraiment très, très bon. Merci beaucoup. On se fera un autre segment de Huile de palmarès la prochaine fois. Ben oui. Ouais. Il nous reste seulement les numéros 1 à entendre. On va sûrement avoir un petit loose à la fin pour revenir sur des pièces qu'on a sautées. Mais en anglophone, c'est Gogol Bordello avec c'est le même numéro 1 que la semaine passée. Sabbath Blues. Et du côté francophone, eh bien, on l'a su tout à l'heure, on a changé de première position. C'est donc une montée pour la deuxième place de la semaine dernière. Voici Héros ou Ennemis de Octopoat. Mais pas mal, c'est fou! Au 89 FM. première position. Albert Nello et Saboteur Blues, numéro 1 anglophone. C'est stable par rapport à ce passé, ça fait 5 semaines que c'est là. Tandis que du côté francophone, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on a réussi à monter de la deuxième à la troisième position pour Octoblot avec Héros ou Ennemi. Et voilà, on a nos réponses qui est au sommet. Maintenant, on a le temps pour une seule dernière pièce. Une seule, parce qu'on a juste sauté une pièce de toute la semaine. Ben oui. C'est celle de Betrayer, qui s'appelle Les Étoiles. Elle est en 11e position francophone. On l'écoute et on revient se dire bye-bye. Yeah. les étoiles de Betrayer, la seule pièce francophone qu'on avait sauté cette semaine, qui était en 12e position. Voilà, c'est du qu'on se termine ça pour cette semaine. Merci d'avoir été là tous les jours. Merci Tania, aujourd'hui particulièrement. Ça fait plaisir. D'avoir parlé un petit peu plus que moi. Alors, on se retrouve du lundi au jeudi entre midi et 13h. Édition week-end, les samedis à midi, si vous voulez voir la dégradation de ma voix d'heure en heure. Mm-hmm. Là, ça se passe samedi après-midi. C'est clair. Merci Tania encore. Hey, fait plaisir. Bye tout le monde. Bye bye.